Maintenant, tu sais comment faire une bombe, commencer une guerre, ambiancer le monde, traduire une explosion en français. Dans mon enfer, y a du bon, du sensé, du plomb, des portes enfoncées, du son, je rappe le fond de mes pensées, je suis sombre. Tu sais, y a drogue et alcool dans le processus créatif. J'augmente la masse et les degrés Celsius sans feu ni créatine, fait crier l'acier. Les platines brûlent trop près de la mouvance. Ton rap vieille mal, j'ai pissé dans la fontaine de jouvence. Ça claque, j'suis là pour frapper. Sec, souvent m'hisser au top pour charcler le hip-hop, attaquer. Marquer l'époque et m'glisser. C'est propre à nous, on fait du sale, c'est pas pour lisser. J'prends mes balles dans l'alphabet. C, D, E, F, G, I, J, K, L, qui c'est? C'est L, I, N, O, le L. La 12e lettre, l'alien, le libre penseur. L'alerte, l'unique, le seul, la balle à ailette. Ça claque, j'suis là pour frapper. Sec, souvent m'hisser au top pour charcler le hip-hop, attaquer. Marquer l'époque et m'glisser. C'est propre à nous, on fait du sale, c'est pas pour lisser. J'prends mes balles dans l'alphabet. C, D, E, F, G, I, J, K, L, qui c'est? C'est L, I, N, O, le L. La 12e lettre, l'alien, le libre penseur. L'alerte, l'unique, le seul, la balle à ailette. Le lanceur de l'âme liquide, j't'allume, c'est de l'art à inhaler. J'me livre, salue la vie sur l'air de live and die in LA. Là, c'est la lutte finale sans délai. Vite, me soulage l'âme à l'oral fêlé. J'suis l'élu, m'a dit l'oracle. Électron libre, j'ai l'aura qui lui, sous la lune, lance des litres de lyrics et les livres comme les lamelles dans la lune. Pas de larmes sous l'iris, j'ai l'allure d'un 9 milli. J'rappe au feeling, illico, j'file, j'allume, c'est du kill Billy. Ça fait kill kill, là j'écris l'hymne de la ville. Ça kill kill kill, comme l'île W-Easy à Milly. J'me lâche sur leur sale style en leasing en 6 milli. Mec, le cash est l'illicite, l'île est la scar auquel je m'affilie. Ok, j'tape, j'milite, le ciel m'a limite. J'mis l'élite des ruelles sur la liste des lyricistes qui te lynchent en 6 lignes. On lave le linge sale enfin, milli. Le poids des lettres au kilo du lourd. Là c'est plus du rap, c'est de l'altéro Philly. En live du lab, j'largue les textes, j'ai l'inspiration. Je pas ex-Luther, avec l'esprit malade à la Lex Luthor. J'entends fait entrer l'accusé, je rentre sur 75 BPM. Je viens abuser du son, nourrir l'incendie. C'est dans mon ADN, cliquez, je brandis le micro, vous cliquez, cliquez, stéréo bandit, toujours pas domestiqué, matin la grandit, j'allume la foule sans briquet. J'suis dans le deal de punch, rap la foutre, le crime est revendiqué. Depuis mes premiers cris, la méthode, j'ai jamais choisi la douce. J'ai tout l'alphabet dans le chargeur, mon flingue c'est con. T'es jusqu'à 12. Des lettres, des longues lattes, des kilowatts, de l'art libre, de l'hémoglobine et des larmes, de l'ammonie, des brûlots, des litres, on lâche, puis l'accusé chez Ondelat ou l'entieri. Du délit, puis l'objet, j'puis lu de long large, délivre le lion, libère des flots de lave, leur livre brûle, j'lâche du lest, c'est mon délire, juste avant l'au-delà, j'l'ouvre le beat, hurle, y'a trop de lâches à élire. Au lac, j'mets le feu, illégal comme l'ancien collègue à Eli, laisse les faire leur lap dancing, j'ai Lucifer à la haine de la. J'suis élevé, j'viens mettre le haut là. J'lime passant la texte comme Willy la lampe. J'lance l'hymne de la tête, c'est létal comme une diablesse féline. C'est luxe, c'est salope à l'écran. Des grosses liasses, des lignes blanches, l'enfer c'est délicé. Je lance l'alerte avant que mes négros se lancent. La playlist, j'lui fais un lifting. C'est lisse et trop classe comme du Céline. L'industrie et moi, c'est Lefty et Donny sans lala. L'âge de l'aigle, ma sale littérin dur. Loin d'être light et légère, le level monte, c'est pas du la lane, t'as pas l'âge légal pour like mes lyrics à low kick. T'es un lac et j'suis en league 1 depuis L en nerf ou LL. Juste avant Mickey, M-I-L-L. Après Big L et I-L-L. Matic, Capit Rock et C-L. Smooth, époque lunatique et L. 430 de look, Lacoste avant LV Live des ruelles. De VLBL, INO sur LP. Genre Lucky L, Luciano dans l'aile. J'ai pas de plomb, moi j'lacère l'agneau. J'écris au laser pour les malheurs sans lèvres. À la nôtre l'heure, je la donne de l'ombre à la lueur, je me lève. J'entends fait entrer l'accusé, je rentre sur 75 BPM. Je viens abuser du son, nourrir l'incendie. C'est dans mon ADN, cliquez, je brandis le micro, vous cliquez, cliquez, stéréo bandit, toujours pas domestiqué, madame la grandit, j'allume la foule sans briquet. Je suis dans le deal de punch, rap la foutre, le crime est revendiqué. Depuis mes premiers cris, la méthode, j'ai jamais choisi la douce. J'ai tout l'alphabet dans le chargeur, mon flingue c'est compté jusqu'à 12.